Pendant 5 ans, un temps de troubles sanglants régnait sur cette ville qu'on disait la maudite, un gouverneur qui s'appelait Géorgi Abachvili. Il était riche comme Crésus, il avait une femme d'une grande beauté, il avait un enfant plein de santé. Dans toute la Géorgie, aucun gouverneur n'avait tant de chevaux à l'écurie, tant de mendiants à sa porte, tant de soldats à son service, tant de quémandeurs à sa cour. Comment vous décrire un Géorgi Abachvili? Il jouissait de la vie. Or, en ce matin du jour de Pâques, le gouverneur et sa famille se rendaient à l'église. Grâce, grâce, grâce, grâce. Le peuple voyait l'héritier pour la première fois. Deux médecins s'empressaient jour et nuit autour de l'enfant princier, plus cher au gouverneur que la prunelle de ses yeux. Le puissant prince, Katsbeki, en personne va lui présenter ses hommages au seuil de l'église. Joyeuse Pâques, Natalia Abachvili. Quelle belle journée! Hier soir, en entendant la pluie, je me suis dit triste Pâques, mais ce matin, voilà un ciel serein. J'adore le ciel serein. Une âme simple, Natalia Abachvili. Et le petit Michel. Un vrai gouverneur. Guili, guili, guili, guili. Joyeuse Pâques, petit Michel. Guili, guili, guili. Qu'en dites-vous, Arsène? Géorgie s'est enfin décidé à construire une autre aile côté est. On va raser tout le faubourg et ses baraquements sordides pour faire les jardins. Enfin, une bonne nouvelle après tant de mauvaises. Et la guerre? Cousin Georges, un repli stratégique, m'a-t-on dit. Bon, ce sont de ces petits revers, comme il y en a toujours. Un jour, ça va mieux, le lendemain, ça va mal. Les aléas de la guerre, cela ne signifie pas grand-chose, n'est-ce pas? Ils toussent! Tu as entendu, Georges, ils toussent! Me permettez-vous de vous rappeler, Nico Mikadze, que je n'étais pas partisan du bain tiède. La température du bain a souffert de quelques négligences, votre grâce. Et je ne puis absolument pas me ranger à votre avis, Mika Lolatse. La température du bain est celle même que préconise notre cher et vénéré maître Michiko Obolazena, plutôt un courant d'air, pendant la nuit, votre grâce. Mais enfin, faites quelque chose. Il a l'air fiévreux, Géorgie. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, votre grâce. Une eau un peu plus chaude, et cela ne se reproduira plus. Croyez que je ne l'oublierai pas, cher Mika Lolatse. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, votre grâce. Oh là là là là là là! Moi, je dis toujours, le feu me picote, 50 coups de verge pour le docteur sur la plante des pieds. Et encore, c'est bien parce que nous vivons une époque de relâchement. J'ai dit ce triste fois, c'était tout simplement qu'on lui coupe la tête. Entrons dans l'église, c'est peut-être ici qu'il y a du courant d'air. Pas avant le service divin, Chalva. Le gouverneur, désire ne pas être importuné par des rapports avant le service divin. Surtout si, comme je le suppose, ils sont de nature démoralisante. On va te faire servir quelque chose à la cuisine, mon ami. La ville se tait. Sur le parvis, les pigeons se pavanent. Un soldat de la garde du palais plaisante avec une fille de cuisine qui revient de la rivière, un ballon sous le bras. Alors, la demoiselle n'est pas à l'église. On se promène au lieu d'aller à l'office. J'étais déjà toute prête. Et puis on s'est aperçu qu'il manquait une oie. Pour le banquet, ils m'ont demandé d'aller la chercher, les oies. Je m'y connais. Une oie? Ça, je voudrais bien la voir, cette oie. Avec les femmes, il faut se méfier, elles vous disent. J'ai juste été chercher une oie et puis c'était tout autre chose. Eh bien, la voilà. Si c'est pas une oie de 15 livres, garée au maïs, je veux bien manger les plumes. La reine des oies, c'est le gouverneur en personne qui la mangera. Et comme ça, la demoiselle est encore retournée à la rivière. Oui, à la basse-cour. Ah oui, à la basse-cour, en bas, près de la rivière. Ça ne serait pas des fois en amont, du côté de certains saules? Après des saules, j'y vais que pour laver le beau linge. Et voilà. Voilà quoi? Voilà, c'est tout. Et pourquoi j'irai pas laver le beau linge près des saules? Et pourquoi je n'irai pas laver le beau linge près des saules? Ça alors c'est bon, vraiment bon. Je comprends pas, monsieur le soldat, qu'est-ce qu'il y a de bon à ça? Si elle savait ce que lui sait, ça lui ferait chaud et froid tout à la fois. À savoir sur ces fameux saules, moi j'en sais rien. Et si juste en face il y avait un fourré où on peut tout voir, tout ce qui se passe quand une certaine personne lave du beau linge. Mais qu'est-ce qui se passe? Si monsieur le soldat voulait bien en finir et me dire ce qu'il a dans la tête une fois pour toutes. Il se passe quelque chose qui laisse peut-être voir quelque chose. Monsieur le soldat ne veut tout de même pas parler de la fois où il faisait si chaud et où je me suis trempé les doigts de pied dans l'eau. À part ça, je vois rien. Plus que ça. Les doigts de pied et plus que ça. Quoi de plus? Disons le pied. Le pied et un peu plus. Oh, tu devrais avoir honte. C'est mon chachava. Se poster dans un fourré et attendre que par une journée de grande chaleur, une certaine personne plonge la jambe dans le courant. Et sûrement pas tout seul là encore. Sûrement avec un autre soldat. Non! Pas avec un autre! Dans la ville, tout se tait. Mais pourquoi des hommes en armes? Au palais du gouverneur, tout est paisible. Mais pourquoi est-ce une forteresse? Le gouverneur regagne son palais et voilà que la forteresse était une souricière, que l'oie était plumée et rôtie, qu'il n'était plus question de manger l'oie, que midi ce n'était plus l'heure de manger, que midi c'était l'heure de mourir. Il est réellement impossible de vivre dans cette masure, mais bien entendu, Géorgie ne construit que pour son petit Michel, jamais pour moi. Michel est tout pour Michel. Tu as entendu le joyeux spark du cousin Kaspeki? C'est bien gentil, mais à ma connaissance, hier au soir, il ne pleuvait pas ici, à Nuka. Où se trouvait le cousin Kaspeki? Il pleuvait. Où était donc le cousin Kaspeki? Il faut vérifier! Oui, sans perdre un instant, demain. En attendant, votre excellence ne voudrait-elle pas entendre le messager qui arrive à cheval de la capitale? Il s'est présenté ce matin avec des documents confidentiels. Pas avant le repas, Chalva. Le gouverneur désire ne pas être importuné par des rapports avant le repas. Et il consacrera son après-midi à d'éminents architectes qu'il a même invités à sa table. Attendez, justement, les voici. Messieurs, son excellence vous attend à sa table. Tout son temps est à vous. Rien qu'à vous et à vos grandioses projets de rénovation. Venez vite. Et bien, court que la guerre de Perse prend mauvaise tournure et les admirals de son excellence se songent à bâtir en dépit de ces rumeurs alarmantes. Et plutôt à cause de ces rumeurs. Tout ça ne compte pas. La Perse est loin. La garnison se ferait hacher pour son gouverneur. Jette-moi ça, chien! Désarmez-le! Vous ne voyez pas que c'est un attentat contre le gouverneur! Les princes hostiles de Grand-Duc et ses gouverneurs se sont réunis cette nuit dans la capitale. Monsieur, il vaut mieux disparaître! Les grands sont aveugles. Ils vont, tels des immortels, grands sur les dos qui s'écrasent, sûrs des truands qu'ils achètent, confiants dans la violence qui les sert depuis si longtemps. Mais longtemps n'est pas toujours, temps qui passe et qui change, l'espérance du peuple. Adieu, puissant seigneur, marche la tête haute, tu veux bien? Des fenêtres du palais, mille regards ennemis te suivent. Tu n'as plus besoin d'architecte, un menuisier suffit. Ce n'est pas un nouveau palais qui t'attend, mais un trou dans la terre. Regarde encore autour de toi. Aveugle, c'est à toi tout cela. Ça te plaît? Entre messes et festins de Pâques, voici que tu t'en vas là, d'où nul ne revient. Quand la maison d'un grand s'écroule, bien des humbles sont écrasés. Ceux qui n'avaient aucune part à la fortune des puissants partagent souvent leur infortune. Les bannières, tous de la troisième couche. Madame, c'est évanouie, on la fait descendre, elle doit partir. Et nous? Nous, c'est bien connu, on va se faire égorger comme des poulets. Il paraît que le massacre a déjà commencé en ville. Jésus-Marie, où va-t-on? C'est stupide, on a tout simplement ordonné poliment au gouverneur de se présenter à une réunion des princes. Tout va se régler à l'amiable, je le sais, sur ce sûr. Nico Mikadze, c'est votre devoir en tant que médecin d'assister Nathalie Labachuilly. Mon devoir, le vôtre, oui. Ah oui? Ah ben c'est à quel tour aujourd'hui, Nico Mikadze, pour l'enfant, à vous, à moi? Si vous croyez que je vais rester une minute de plus sur cette maison de pestiférés, rien que pour un marmot, hein? Oh, vous manquez à votre devoir. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, seront pas sous d'ici là. Est-ce qu'on sait s'ils se sont déjà soulevés? La garde du palais s'est sauvée à cheval. Alors on sait toujours pas ce qui s'est passé? On a vu une comète à queue rouge au-dessus de la capitale. C'est Méliva, le pêcheur, qui me l'a dit. Il paraît que c'est signe de malheur. Moi, on m'a dit qu'hier, la nouvelle courait dans la capitale que la guerre de Perse et tout ce qui est perdu. Les princes ont fait une grosse rébellion. Le grand-duc a déjà pris la fuite, paraît-il. Ils vont exécuter tous ces gouverneurs. Les petites gens comme nous, on ne leur fait rien. J'ai mon frère dans les gardes noirs. Tout le monde dans la troisième cour. On bagage. Tout le monde. Ah, tu es là, Crochat. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Si ça tourne mal, j'ai un frère qui est fermier à la montagne. Et toi, alors? Moi, rien. Crochat Varnadze, ta question concernant mes projets me remplit de satisfaction. J'ai ordre d'accompagner Natella Abashvili comme garde du corps. Mais la garde du palais s'est mutinée. C'est vrai. Et c'est pas dangereux d'accompagner madame. À Tiflis, on dit, la coupure, ce n'est pas dangereux pour le couteau. Ah, t'es pas un couteau, mais un homme, c'est mon chachava. Et qu'est-ce que t'as à voir avec cette femme? Je n'ai rien à voir avec elle, mais j'ai reçu un ordre et je pars. Je vois que monsieur le soldat est un homme entêté. Il s'expose au danger pour rien, pour moins que rien. Moi, je dois aller dans la troisième cour et je suis pressée. Si ça presse tant que ça, ce n'est pas le moment de se disputer. Parce qu'une bonne dispute, ça demande du temps. Peut-on savoir si la demoiselle a encore ses parents? Non, le frère, c'est tout. Comme le temps presse, la seconde question serait: la demoiselle est-elle en bonne santé? Peut-être de temps en temps une douleur à l'épaule droite. Mais à part sa vaillante, elle ne renacle jamais à la tâche. Personne n'a rien à s'en plaindre jusqu'ici. C'est bien connu. En cas d'urgence, qui est-ce qui va chercher une noix le jour de Pâques sans discuter? C'est elle. Troisième question. La demoiselle est-elle d'un caractère impatient? A-t-elle envie de cerises en hiver? Impatiente, non. Mais quand des gens s'en vont à la guerre sans raison et qu'on ne reçoit pas de nouvelles, là, c'est dur. Des nouvelles, on en recevra. Pour finir, la question principale. Si mon chachava, comme je dois aller dans la troisième cour et que le temps presse vraiment, la réponse, c'est oui. On dit pressé comme le vent qui renverse l'échafaudage. Mais on dit aussi, les riches ne sont jamais pressés. Je suis de Kousk. Ainsi la demoiselle s'est déjà renseignée. Santé excellente, pas de charge de famille, on se fait 10 piastres par mois, et comme sergent payeur, ce sera 20. Et on demande sincèrement votre main. Si mon chachava, je suis d'accord. La croix vient de ma mère, mon chavarmadze. La chaîne est en argent, portez-la, s'il vous plaît. Merci bien, Simon. Il faut que j'attelle les chevaux, la demoiselle comprendra. Il vaut mieux qu'elle aille dans la troisième cour, sinon ça fera des histoires. Oui, Simon. Je ne fais qu'accompagner cette dame jusqu'aux troupes restées fidèles. La guerre finie, je reviens, 2 ou 3 semaines. J'espère que ma fiancée ne trouvera pas le temps trop long avant mon retour. Je t'attendrai, Simon Chachava. Pars tranquille au combat, soldat. Le combat sanglant. La mère combat dans plus d'un, ne reviendra pas. À ton retour, je serai là. Je t'attendrai sous l'orme vert. Je t'attendrai sous l'orme dénudé. J'attendrai jusqu'au retour du dernier soldat. Et plus encore, si tu reviens de la guerre, tu ne trouveras pas de bottes sur le seuil, ni de tête sur l'oreiller à côté de la mienne. Personne n'aura embrassé ma bouche. Quand tu reviendras, si tu reviens, tu pourras dire tout est comme autrefois. Je te remercie, Crochat Varnadze. Et au revoir. Attelle les chevaux à la grande voiture. Ne traîne pas comme ça, salopard. Une fois de plus, personne ne s'occupe de rien. La tête me tourne, je ne sais plus où j'en suis. Où est Michel? Regarde un peu comment tu le tiens. Les caisses sur la voiture. On a des nouvelles du gouverneur, Chalva? Il faut partir immédiatement. Et en ville, il y a du nouveau? Non, jusqu'à présent, tout est calme, mais il n'y a pas une minute à perdre. On n'a pas de place pour les caisses sur la voiture! Choisissez ce dont vous aurez besoin. Le strict nécessaire, c'est tout. Faites ouvrir les caisses et je vous dirai ce qu'il faut emporter, la verte et naturellement celle avec les petites fourrures. Où sont les médecins? Voilà cette affreuse migraine qui me reprend. Cela commence toujours par les tempes. Celle avec les petits boutons de perles. Eh bien, c'est ça. Prends ton temps, va chercher les bouillons pour. Ne déchire pas la manche. Pardon, madame, mais la robe n'a rien. Parce que je t'ai surprise à temps. Cela fait un moment que je t'observe. Rien d'autre en tête que de faire de l'œil à l'aide de camp. Je finirai par te tuer, espèce de chienne. Je vous en prie, dépêchez-vous, Natella Abashvili. En ville, on se bat. Mon Dieu, mon Dieu. Ils oseraient porter la main sur moi. Et pourquoi? Cherche la petite veste de brocart. Il est là. Et Michel, qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Oui, madame. Alors, pose-le un instant. Il va me chercher les bottines de Marocain dans la chambre à coucher. Il me les faut pour aller avec la robe verte. Et toi, ne reste pas planté, là. Reste ici ou je te fais pointer. Oh, Regardez-moi un peu comme tout ça est emballé. Sans amour. En dépit du bon sens. Il faut tout leur dire. C'est dans des moments pareils que l'on voit ce que valent les domestiques. Machin. Bafrez ça, vous savez. Mais la reconnaissance, rien. Je saurais m'en souvenir. Martella! Venez tout de suite. Orbeliani, juge à la Cour suprême, vient d'être pendu par les tisserands révoltés. Pourquoi? C'est dans la maison, il me la faut, la côté 1000 piastres. Et je me scelle là aussi, toutes les fourrures. Et où est donc la Lidova? Des émeutes ont éclaté dans les faubourgs. Nous devons partir immédiatement. Où est l'enfant? Marron, prépare le petit, où est-elle passée? Il nous faudra sans doute renoncer à la voiture et partir à cheval. Je n'arrive pas à trouver... La robe, Lidova. Ramasse tout ça et porte-le à la voiture. Et Marron, il ne revient pas. Êtes-vous devenu folle? Vite! Dépêche-toi, tu n'as qu'à tout jeter dans la voiture. On ne prend pas la voiture, venez où je personne. À cheval! Marron, on met l'enfant, cherche. Machin, non, porte d'abord les vêtements, c'est absurde. Il est hors de question que je parte à cheval. Ah! Ça brûle. Ça doit être la porte de l'Est qui brûle. Ils sont partis, et la voiture est restée là avec les provisions. Comment on va faire pour décamper, nous? Oui, la maison est plutôt malsaine pour un bout de temps sous les cas. Je prends quelques couvertures et on file. Madame, elle est déjà partie. Et l'enfant? Ils l'ont planté là. Les sauvages. Tiens-le-moi une seconde. Je vais voir ce qui se passe avec la voiture. Et le maître? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Notre maître Jean-Gilles Abajuli, frère Rose à la messe du matin et maintenant... Emmenez-moi, les tous perdus, il va falloir mourir sans confession, comme notre maître Jean-Gilles Abajuili. Calmez-vous, Nina, on va vous emmener, vous n'avez fait de mal à personne. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vite, vite, il faut que je vienne. Nina prend ça plus à cœur que madame. Même pleurer les morts, ils s'en déchargent sur les autres. L'enfant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il est resté là. Elle l'a oublié là, son Michel, lui qui craignait dans les courants d'air. Il se réveille. Lâche-toi! J'aime mieux ne pas penser à ce qui arriverait à celle qu'on trouverait avec l'enfant. Je vais chercher nos affaires, attendez-moi. Il a raison, quand ils s'y mettent, ils s'entrégorgent par famille entière. Je vais chercher mes petites affaires. Tu n'as pas entendu, on t'a dit de lâcher ça. La gouvernante me l'a donné à tenir pour un moment. Elle ne reviendra pas, ma pauvre fille. Ne te fourre pas dans ce guépier. Ils seront après lui, encore plus qu'après madame. C'est lui, l'héritier. Tu as un brave cœur, Groucha, mais tu n'es pas une lumière, tu sais bien. Moi, je te le dis, il aurait la lèpre, ça serait pas pire. Pense d'abord à te tirer d'affaire, toi. Il a pas la lèpre. Quand il vous regarde, c'est un être humain. Eh bien, ne le regarde pas, toi. Tu es vraiment l'imbécile de service. On peut tout te mettre sur le dos. On te dit qu'on cherche la salade et te gagne les plus grandes jambes. Et tu y cours. On va prendre le char à bœuf. Tu peux venir avec nous si tu te dépêches. Seigneur, sûrement que tout le quartier brûle alors qu'il est. Tu n'as pas vu tes bagages? Il n'y en a plus pour longtemps, tu sais, avant que les gardes noirs arrivent de la caserne. Je viens. J'adore le ciel serein. Mais ce que j'aime encore plus, c'est l'éclair qui jaillit du ciel serein. Dommage seulement qu'ils aient emporté le marmot. Il me le faut absolument. Cherchez-le dans toute la Géorgie. Yeah. Ouais. Yeah. Yeah. Ouais. 1000 piastres de récompense. Entre porte et portail, elle entendit ou crut entendre une voix qui l'appelait doucement. L'enfant l'appelait. Ce n'était pas un vagissement, mais un appel tout à fait clair. Clair pour elle, en tout cas. Femme, disait-il, aide-moi. Et il disait encore, et ce n'était pas un vagissement, mais une parole tout à fait nette, écoute, femme, celle qui refuse d'entendre un appel à l'aide et passe son chemin, l'oreille distraite, jamais plus n'entendra la voix de l'amoureux qui l'appelle doucement, ni le merle à l'aube, ou le soupir de soulagement du vendangeur épuisé quand sonne l'Angélus. Entendant cela, elle est revenue sur ses pas regarder l'enfant encore une fois. S'asseoir auprès de lui, juste un moment, juste attendre que vienne quelqu'un d'autre, la mère peut-être ou n'importe qui, juste une pause avant de s'en aller. Le danger était trop grand et la ville toute pleine de flammes et de hurlements. La tentation de la bonté. Longtemps, elle resta assise près de l'enfant. Elle attendit le soir, attendit la nuit. Attendit l'aube. Trop longtemps elle est restée, trop longtemps elle a guetté, le souffle tranquille, les petits poings. Et quand arriva le matin, la tentation devint trop forte et elle se leva. Se pencha et dans un soupir prit l'enfant et l'emporta. Comme d'une proie, elle s'en empara. Comme une voleuse, elle se sauva. Groucha Varnatsé a quitté la ville et se dirige vers les montagnes du Nord par la route impériale de Géorgie. Elle chante un chant, elle achète du lait. Comment va-t-elle échapper, elle, une personne humaine, à des brutes avides de sang, à des chasseurs d'hommes? En chemin vers les montagnes du Nord, elle chante un chant, elle achète du lait. Quatre capitaines partis pour l'Iran, le premier ne fut pas la guerre, le deuxième ne me gagne guère. Troisième, se plaint du mauvais temps. Quatrième, les soldats qui manquent de cran.